Chapitre 9. Grandeur et décadence. Environ 3 mois après les événements que nous venons de raconter, Marcel Leguay faillit être arrêté au cours d'un cambriolage retentissant. Notre gentilhomme avait enlevé le coffre-fort d'un banquier et son contenu. Une enquête fut ouverte et la police découvrit que l'auteur du vol n'était autre que Marcel Leguay, qui avait opéré sous le déguisement du comte Louis de Beaulieu. On apprit ainsi que le faux comte occupait un magnifique hôtel boulevard Saint-Germain. Une légion de créanciers sortit de terre comme par enchantement. Les meubles et objets d'art furent vendus aux enchères, précisément dans la salle où le lecteur a assisté, au début de ce récit, à l'adjudication d'une statuette grossière. Or, il se fit tout naturellement que, parmi les objets d'art du fameux comte de Beaulieu, le commissaire priseur retrouva le fameux pâtre qu'il avait vendu antérieurement 62 000 francs. L'aimable officier public, reconnaissant cette précieuse statuette, l'entoura de soins tout spéciaux et la fit exposer à la place d'honneur. « Cette fois, se disait-il, elle se vendra le double. Ce doit être un chef-d'œuvre inconnu dû au ciseau d'un grand primitif. » Et quand le tour du pâtre arriva, il cria d'une voix de stentor: « Un pâtre d'une beauté inestimable, valeur minimum 62 000 francs. Personne ne dit mieux. » Un silence solennel suivit ces paroles. « Voyons, mesdames et messieurs, 62 000 francs, c'est pour rien. Faites vos prix. » Nouveau silence. Le commissaire descendit à 61 000 francs, à 60 000, à 30 000, à 10 000 et enfin à 1 franc. À un malheureux franc. C'était dérisoire et incompréhensible. Et personne n'en voulait du pâtre. « 1 franc !» s'écriait le commissaire désespéré, anéanti, foudroyé, fou d'étonnement. « 1 franc !» Personne ne dit mieux ? Plus mal, veux-je dire !»